On va parler du challenge cycliste des Bleuets. Ben, ça a sorti hier dans le Nouvel Hebdo. On sait que la semaine passée, on a parlé avec le maire de Dolbeau, André Guy. Il y avait des menaces comme de quoi que le challenge cycliste des Bleuets n'aurait pas lieu. Finalement, à la lumière de l'article du Nouvel Hebdo d'hier, ben, on a de bonnes nouvelles. On parle avec la responsable Geneviève Daou. Salut Geneviève. Bonjour. Geneviève, c'est une belle nouvelle en fait finalement. Est-ce que c'est un mal? Est-ce qu'on peut entendre? Entendre ça comme un malentendu, tout simplement. Je ne sais vraiment pas comment l'expliquer. Là, c'est ça. Là, tu sais, au début, on nous parlait d'un changement de réglementation du côté de la Sûreté du Québec. Donc, c'est un changement de réglementation au niveau de l'escorte policière concernant les pelotons de cyclistes. Okay. Puis là, ben, à partir de là, nous, on a fait des démarches auprès du politique, auprès du maire. Puis là, de leur côté, eux ont fait des démarches. Donc, revirement de situation très heureux pour l'organisation et pour le challenge aussi. Donc, on est vraiment content pour nous, le Ben challenge et les cyclistes aussi, là, que l'événement va avoir lieu. Parce que, quelque part, le challenge cycliste, c'est des importantes retombées économiques pour le coin, là. André l'expliquait hier, puis j'ai pas de misère à le croire, là. C'est très, très bon, là. Oui, c'est ça. C'est, tu sais, ça donne dans la fin de semaine, la fête, une belle fin de semaine de 3 jours. Il fait encore beau. C'est vraiment un gros impact touristique et économique aussi là, pour notre coin de pays. Là. Donc, c'est un événement qui a son importance aussi. Là, on parle d'environ 200 cyclistes et même plus là, avec les familles, les bénévoles. Donc, on parle de beaucoup de monde là, pour une fin de semaine de 3 jours. Là. Est-ce que vous C'est un avez. impact assez important. Est-ce que ça fait 2 ans que ça n'aura pas eu lieu, le challenge cycliste, là? Est-ce qu'on peut dire que. Exactement, la dernière Ouais. édition, c'est 2019. Oui. Ouais. Est-ce que il y a une recrudescence? Est-ce que ça a été le fait que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu lieu? Les inscriptions, avez-vous commencé à regarder ça un peu? Oui, ben les inscriptions, ça va bon train. Je vous dirais que il y a vraiment une recrudescence, comme vous dites. Puis avec notre invitée d'honneur, Marianne Saint-Gelais, ben Ouais. écoutez, là, c'est formidable, là. Puis c'est ça, avec la belle nouvelle qu'on a eue là, concernant que le challenge va avoir lieu, là, ça redonne un nouveau souffle aux inscriptions aussi. Là. Je vous dis, quand on a parlé il y a quelques semaines là, sur notre page Facebook, il y aurait peut-être le challenge était peut-être en péril, mais là, ça a ralenti un peu, mais je vous dis, depuis la belle nouvelle qu'on a eue, là, ça ne fait que s'inscrire. Il y en a beaucoup de Montréal aussi, hein, qui viennent découvrir le lac Saint-Jean, qui viennent parce que c'est très touristique, là. Beaucoup de Montréal, Rimouski, Ah ouais, Québec, OK. Gatineau, oui, vraiment là, c'est vraiment là, c'est dans plusieurs régions, là, régions administratives là, du Québec là, que ça s'inscrit. OK. Donc, si on veut s'inscrire, on fait quoi? Mais dans le fond, vous allez sur le site internet challengecycliste.com, puis les indications sont très faciles à avoir là, sur la page. Là. On a 2 pelotons là, que vous pouvez s'inscrire. Présentement, il y a le peloton là, de 30-32 km/h et le peloton de 28 à 30 km/h. Et présentement, ben, les inscriptions sont à 180 $ Ah ben c'est bon pour le ça, moment. effectivement. Donc Oui. j'imagine que quand tu dis pour le moment, ça veut dire que plus tu t'inscris de bonne heure, moins c'est dispendieux, c'est ça? Exactement. Là, les prix devraient monter. Là, on s'en va vers je pense à partir du 15 avril, si je ne me trompe, ça va monter à 200 $. Ok. C'est notre prix, c'est notre dernière tranche de prix. Là. Le 200 $ là, pour l'inscription, c'est le plus haut. Ok. Ben, je. Donc, faites vite. Ouais. Ben, Geneviève, au plaisir de se reparler un autre tantôt. Ben, merci. La responsable du challenge cycliste des Bleuets, Geneviève Dao.